Bon, alors vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL. Je suis toute confuse parce que la petite lumière qui me dit que je suis en onde n'est pas allumée. Donc j'espère qu'on m'entend. Et en tout cas, pour finir l'émission, on va faire un tour du côté de l'environnement et plus précisément du côté de nos déchets. Au printemps dernier, le gouvernement a annoncé une politique pour transformer les déchets organiques en méthane. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Eh bien, c'est notre chroniqueur Pierre-Olivier Desmarchais qui va nous l'expliquer. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors Pierre-Olivier, peux-tu nous remettre un petit peu dans le contexte? Qu'est-ce que c'est que ce programme de traitement des matières organiques par biométhanisation? Oui, alors c'est en novembre 2009, Valérie, que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a annoncé un investissement de 650 millions de dollars afin de financer le programme, qui a pour objectif premier de détourner justement les résidus organiques de l'enfouissement, donc de l'élimination. Alors pour y arriver, le programme offre une aide financière aux municipalités et au secteur privé qui désirent implanter ou mettre en place des installations de biométhanisation de compostage. Alors, pour les projets de biométhanisation, par exemple, le programme prévoit couvrir le deux tiers des coûts admissibles pour les municipalités et 25 % pour les projets issus du secteur privé. Tandis que dans le cas des projets de compostage, il s'agit de 50 % des frais qui sont couverts pour les municipalités et 20 % pour les projets privés. D'accord. Mais là, donc, tu as parlé de biométhanisation. Il faut que tu nous expliques un petit peu plus ce que c'est. Oui, en fait, il s'agit d'un procédé de traitement des matières organiques par fermentation en absence d'oxygène. Oui. Donc, tout le processus de dégradation biologique s'effectue dans un digesteur anaérobie qui ressemble en fait à un... Il faut s'imaginer un grand réservoir avec qui est fermé, oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, les produits issus de cette biométhanisation sont d'une part le biogaz, qui est c'est quoi? C'est un gaz brut composé essentiellement de méthane à 60 % et également de gaz carbonique à 40 %. Et il y a également le digesta, qui est le résidu solide, qui peut par la suite être valorisé biologiquement, soit par épandage sur les terres agricoles, par exemple, ou il peut entrer également dans le cycle du compostage, afin d'obtenir justement un produit stable. Alors, pour le biogaz qui est récupéré, en fin de compte, le programme prévoit que ceux qui vont gérer les installations doivent absolument le récupérer pour remplacer du carburant ou des combustibles fossiles. Donc ça semble bien. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle. Pour le compostage, en réalité, je pense que tout le monde connaît déjà le procédé. Alors, contrairement à la biométhanisation qui s'effectue, comme je l'ai dit, en absence d'oxygène, le compostage repose sur la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en présence d'oxygène. Et justement, le processus va nous permettre à la fin d'obtenir du compost qui peut être utilisé comme engrais. Mais là, plus précisément, qu'est-ce qu'on vise comme déchets? Tu parles de déchets organiques, c'est juste nos résidus de table? Oui, mais en réalité, il y a les résidus de table là, donc du secteur résidentiel, mais il y a également tous les résidus organiques du secteur des industries, du commerce, des institutions. Oui. Il y a également les résidus de jardin, les boues d'origine municipale et industrielle, les boues de fosse septique. On vient de parler du bois précédemment, là. Est-ce que le bois, nos résidus de construction de bois, est-ce que ça peut y aller? Oui, exactement. Il y a une forme de biomasse, mais comme je parlais avec... Caroline Frenet? Oui, exactement. La biomasse forestière a une certaine valeur. Donc, économiquement, on n'est pas certain. Je suis pas certain que ça serait rentable de l'utiliser, étant donné qu'il y a une certaine forme il y a une valeur économique qui est rattachée à la biomasse forestière. Alors, en fait, je me suis posé la question, pourquoi on doit traiter les matières organiques? Quelle est l'importance pour le gouvernement d'intervenir dans ce secteur-là? Alors, j'ai trouvé deux raisons là, qui expliquent principalement pourquoi on doit le faire. Premièrement, les matières organiques constituent un important flux de déchets dans notre société. Alors, selon Recycle Québec, qui a publié un rapport sur la caractérisation des matières résiduelles, les matières organiques représentent environ 60 % des déchets éliminés au Québec dans le secteur résidentiel. Ah, c'est beaucoup, 60 % Oui, c'est extrêmement considérable. Et l'autre raison qui, selon moi, justifie l'initiative du gouvernement, c'est les impacts environnementaux liés à l'élimination de ces matières-là. Alors, la dégradation des résidus organiques, lorsqu'ils sont enfouis, par exemple, entraîne d'une part l'acidification du milieu, mais peut éventuellement contaminer les plans d'eau souterrains et de surface à partir du lixiviat. Mm-hmm. Le lixiviat, c'est en fait, c'est l'espèce de jus de poubelle, entre guillemets, là, qui se crée là, lorsqu'on on entasse et qu'on met des matières organiques au même endroit. Alors, les matières organiques, justement, lorsqu'elles sont compactées et enfouies, ils vont générer du biogaz qui nécessairement contribue à l'effet de serre. En réalité, dans les sites d'enfouissement, ça va créer des mini-usines là, de de méthanisation parce que à force de les empacter, là, il va avoir il y a de la pression, émissions. Ça chauffe et... Exactement. Donc, la contribution des matières résiduelles au bilan québécois des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'environ 5,9% des émissions totales. Ouais. Donc, puis la principale source de cette pollution, c'est justement l'enfouissement des matières organiques. Donc, c'est selon moi les deux raisons principales. Donc, si on élimine ces résidus, ces déchets organiques des enfouissements, par exemple, on réduit notre bilan en CO2 de 5,9%. Oui, exactement. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça semble bien, sauf que tu te poses des questions. Oui, OK. Ben, et voilà, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment un programme qui s'inscrivait, si on veut, dans une logique de développement durable. Alors... Bref, je suis retourné voir la loi sur le développement durable qui a été adoptée en 2006 par l'Assemblée nationale et surtout les principes qui sont énoncés. Mm-hmm. Alors, pourquoi la loi sur le développement durable? Eh bien, c'est le texte juridique qui vise à mettre en place le cadre de gestion au sein de l'administration, là, du gouvernement, afin que l'exercice de ses pouvoirs, donc par exemple l'adoption des programmes et des politiques publiques, s'inscrive dans la recherche d'un développement durable. Bon, je sais très bien en tant que juriste que cette loi ne possède pas de dispositions contraignantes là, pour le gouvernement. Bref, s'il ne la respecte pas, les seules conséquences, c'est au niveau politique. Là, donc, le commissaire au développement durable qui relève du vérificateur général pourrait, dans son rapport, soulever, voire même critiquer les ajustements du gouvernement. Donc, ce qui me dérange, là, parce que je veux bien le souligner, là, c'est un programme qui est merveilleux, puis il y a beaucoup d'argent, là, c'est une somme assez considérable qui a été investie. C'est un bon pas, ouais. Ouais, c'est un bon signal. C'est un bon signal, c'est une bonne intention pour le gouvernement enfin de vouloir détourner ces matières-là de l'élimination, sauf que je me suis dit, c'est le programme en tant que tel, sa structure, reflète encore une espèce de vieux réflexe du gouvernement, surtout dans le domaine de l'environnement, c'est de mettre en place des initiatives qui sont financées, selon moi, par les mauvaises personnes. Et le fait également pour de déterminer à l'avance la technologie à mettre en place. Mm-hmm. Donc, je suis allé voir justement là, dans les principes de la loi sur le développement durable, les principes qui doivent... si on veut régir là, l'activité, le pouvoir d'intervention des pouvoirs publics. Donc, si on commence par exemple par celui de l'efficacité économique, on pourrait penser que le fait pour le programme de viser uniquement la biométhanisation et le compostage, ça pourrait mettre un frein au développement de nouvelles technologies qui pourrait être aussi bonne dans certaines régions et qui pourrait justement permettre l'innovation et la concurrence. Donc, ce que moi, j'aurais peut-être préféré, si on veut, ça soit le programme reste le même. Ouvert sur la technique à utiliser. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est 650 millions, puis le gouvernement dit aux entreprises, ben soumettez-nous vos projets, dites-nous les impacts, puis ensuite, on dira si oui ou non, on y va. Là, je veux dire, on y va avec la biométhanisation. C'est peut-être pas la façon, là, donc, par rapport au principe d'efficacité économique, on se prive peut-être d'autres techniques qui arriveraient peut-être à une meilleure efficacité économique, c'est ça que tu sous-entends? Ben, exactement. Si, supposons, on prend l'exemple qu'une entreprise qui travaillait sur une autre technologie, mais bien, en novembre 2009, elle a dû mal réagir, si on veut, à l'annonce, ouais. parce que, je veux dire, son projet ne sera pas financé. Oui, ouais, exact. Ouais. Alors, ça d'une part, et donc... L'autre principe, oui, il faut aller un petit peu vite. Oui, non, c'est ça. D'autre part, là, je me suis posé de savoir si les modes de financement du programme étaient respectés en réalité le principe du pollueur-payeur, de l'internalisation des coûts. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces deux principes-là qui sont dans la loi sur le développement durable, sont en réalité, ils font qu'un. Ça repose sur la théorie des externalités de l'économiste britannique Arthur Pigou qui a développé ce principe-là. Donc, les lois du marché ne sont pas parfaites. Il arrive que dans certains cas, des agents, donc en l'occurrence, soit les entreprises ou les consommateurs, génèrent ce qu'on appelle des externalités négatives. Donc, dans le cas de la collecte des matières résiduelles, ce sont les municipalités ou, si vous voulez, le contribuable qui finance le système. Donc, le problème est là. Si on veut s'inscrire dans une logique de développement durable, il faut viser le pollueur. Et dans le cas des matières organiques, ça pourrait être, par exemple, le consommateur. Et le consommateur n'est pas appelé nécessairement à financer ce programme-là. Mm-hmm. Donc, d'une part, il y a une partie du financement qui va provenir de la redevance sur les hydrocarbures. Donc, c'est perçu auprès des distributeurs de gaz naturel, de carburant et de combustible. Alors, on peut se demander pourquoi eux doivent financer ce programme-là. Ouais. Et d'autre part, ça provient de la redevance, ça provient en réalité de la redevance qui est exigée là, pour l'élimination des matières résiduelles. Mm-hmm. Et là, le gouvernement fait très attention, selon moi, c'est qu'en réalité, une partie de la redevance que les municipalités donne va être récupéré. Le gouvernement fait en sorte que, bon, les municipalités n'auront pas à le financer, mais ça va être bien les entreprises privées, donc qui éliminent leurs matières, qui envoient leurs déchets à l'élimination, qui vont se retrouver à financer ça. Mais ces entreprises-là, on n'est pas en mesure de déterminer si réellement c'est des matières organiques. Là, Donc là, en fait, finalement, ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément la personne qui est responsable. Tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours la bonne personne qui va payer pour. Oui, exactement. Donc c'est que c'est pas forcément le consommateur responsable qui va payer pour le service qui va lui être apporté collectivement par nos taxes ou par d'autres façons de financement, finalement. Exactement. Donc c'est pourquoi, pour terminer, j'ai peut-être pensé à l'idée de prendre le concept de la responsabilité élargie des producteurs et peut-être l'appliquer, je ne sais pas, là, je soumets l'idée. Là, responsabilité élargie du consommateur? Oui, non, ou de, justement, aller viser les producteurs. Je sais que c'est un sujet assez délicat parce que ça touche à la nourriture puis on ne veut pas non plus nécessairement monter les prix, mais... Donc, ça pourrait être peut-être une avenue là, de voir comment qu'on peut changer les comportements. Oui, ben en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir sur le sujet. Oui. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de monde qui se mette d'accord. Peut-être pas très facile, pas si facile. Donc, merci beaucoup, Pierre-Olivier, de nous avoir fait revoir ce programme puis de voir que finalement, c'est pas si facile que ça. Bon. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste le temps, vite fait, de remercier les artisans de l'Union.